suis fait virer du serveur où c'est Internet qui déconne. Jouer comme ça si vite. Après ça, c'est déjà vu ce truc, j'ai une application sur le téléphone. Allez, je vais essayer. Tiens. Oh putain, c'est pas vrai, ça s'est défait là. De bassiste qui joue vite. Non, c'est pas bon. What? fais que le refrain. Comme ça, tu fais péter ton riff. Après, on passe à autre chose. Thank you. Tonight, tonight I'm bad for you. Ah merde, elle est pas calée. Ouais, j'essaie de... Oh putain, c'est simple. Oh. Juger pas, sans réfléchir, prenez le temps. sûrement me juger. Thank you. French people, French Benj, Mr. Benji, where did the beat? Play that beat. Ouais. L'important, c'est pas la quantité, c'est la qualité. T'as des mecs comme ça qui trouvent les mecs, qui trouvent les bons. Moi j'ai joué beaucoup. Je te laisse jouer un peu tout seul. C'est la fin, pas bien. Non, pas Sinek, pardon. C'est qui joue de la basse? Il y a plusieurs bassistes. Oh putain, on est combien? Sinek, c'est ça? Tempo, Karma, là. Il s'arrête plus mon truc moi. C'est... Ouais, c'est bon. Thank you. Allez, on va remettre un peu la batterie.